littérature, théâtre, danse, cinéma, exposition, musique, performance, graphisme, architecture, création sonore, philosophie, linguistique, écologie, sciences, on parle de toutes les cultures dans Rien à voir quoique sur Campus FM 94 FM. Bonjour et bienvenue dans Rien à voir quoique sur Campus FM ou en replay, où vous voulez, quand vous voulez. Nous sommes ensemble en plateau pendant une heure dans les studios de Campus FM pour une émission spéciale autour du festival de théâtre universitaire Entre en scène. Et moi, Anna, je vous accompagne pendant une heure pour cette émission spéciale de Rien à voir quoique avec nos trois invités. Léa Haddad de l'atelier théâtre de Toulouse Business School, Pauline Lachaud du collectif Les Sales Gosses Avisés et Yann Froin, chargé de projets culturels à l'Université fédérale. Grand habitué de nos studios, François est fidèle à la réalisation technique de l'émission. Merci François. Et à côté de moi, il y a Anthony qui parlera peut-être ou pas, je ne sais pas. À raison de deux manifestations par an en deux actes, l'un à l'automne, l'autre au printemps, le festival Entre en scène fait découvrir gratuitement, ou presque, une petite subtilité, Yann, on en parlera, la production des troupes de théâtre étudiantes, particulièrement nombreuses et actives à Toulouse pour ses compagnies. C'est l'occasion privilégiée de jouer et de rejouer à l'extérieur de leur campus, en bénéficiant d'un accompagnement technique de qualité et d'une large communication. Ainsi, du 26 mars au 6 avril le prochain, c'est l'acte 2 d'Entre en scène qui se joue dans 5 lieux différents. Vous pourrez voir dans l'ordre un mur par l'association Réplique au musée des Augustins, L'amour de Racine à nos jours par l'atelier théâtre de Toulouse Business School, nous y reviendrons dans l'émission avec Léa Haddad, Muséo Musée Bas par la compagnie Rhinocéros, et le Concile d'amour par J'étais ailleurs, ça c'est à la salle Le Cap. Rendez-vous ensuite à la Maison des Initiatives à l'Université Jean Jaurès pour le cabaret de Mr. Storm par la compagnie No Gravitation, Blues Cat par le collectif Les Sales Gosses Avisés, avisés c'est le verbe. Nous y reviendrons aussi avec Pauline. Et puis à la Fabrique, toujours à l'Université Jean Jaurès, en partenariat avec l'association L'Agité, dans le cadre du Printemps étudiant 2018, Réplique et La Ludie présentent Être femme à travers le monde. C'est une rencontre inédite entre une troupe de théâtre et un club d'improvisation. Enfin, vous pourrez découvrir la nouvelle création de l'association Amphithéâtre de l'Université Toulouse Capitole, Iceberg, ça c'est à la Maison des Activités Culturelles, à la Cité Universitaire de Chapoux. Bonjour à vous Léa, Alain, Pauline Lachaud et Yann Froin, et merci d'avoir accepté notre invitation dans les studios de Campus FM. Bonjour, merci à vous. Bonjour. Bonjour. Alors Yann Froin, vous étiez venu à ce même micro, à cette même place, à ma gauche, pour nous parler de l'acte 1 d'Entre en scène, c'était en novembre dernier. Avec vous, il y avait Nina Jambrina de la compagnie Til des Cédis, et puis Joseph Burdin de la compagnie Le Poum. Est-ce que l'acte 1 d'Entre en scène était à la hauteur de vos attentes, Yann Froin? Oui. Super. Oui, oui, mais je pourrais vous retourner la question parce que vous aviez alors vu, moi, j'ai un vu spectacle. Alors, ouais, j'ai vu Patriarchy en anglais. J'ai eu de la chance parce que j'ai pas réservé et faut vraiment réserver, même si les spectacles sont gratuits. Sinon, on peut pas rentrer. Et j'ai été très impressionnée. Alors, comme j'ai pas réservé, j'étais au premier rang. C'est un spectacle assez violent sur la violence faite aux femmes, justement. Et donc, j'étais presque sur la scène et c'était assez trippant. Mais ouais. Oui, ça avait été une belle soirée, ça, par exemple. Ouais. Avec un spectacle fort et puis une rencontre ensuite avec le public autour de la violence faite aux femmes, plusieurs associations féministes qui étaient présentes. C'était, oui, oui. C'était fort. Après, il y avait quatre spectacles et selon les spectacles, selon les propositions, la résonance n'est pas la même. On peut avoir des changements, des nuances fortes d'une soirée à l'autre. Là, il y avait une résonance très très forte. La troupe, je pense, avait énormément investi cette possibilité de reprise parce qu'ils avaient créé le spectacle quelques mois plus tôt. Et il y avait beaucoup de monde, il y avait vraiment un impact fort et puis un besoin de parler de tout ça. C'était la fin du festival aussi ? C'était le dernier soir du festival, c'était la fabrique, effectivement. Bon voilà, il y a eu une soirée où il y avait beaucoup moins de monde et où on sentait que les enjeux n'étaient pas tout à fait les mêmes, même si la proposition scénique était intéressante aussi. Est-ce que les comédiens, les metteurs en scène étaient heureux, oui, globalement ? Ah oui, ouais. Oui, tous. Pour tout le monde, le fait de jouer dans des lieux qui sont équipés, qui sont des lieux qui offrent de vraies possibilités scéniques avec des éclairages, du son, enfin tout ce qui est nécessaire pour faire du théâtre. Rencontrer un public, jouer, ne pas avoir le poids aussi d'une organisation, parce que lorsque les troupes démarchent elles-mêmes les lieux, c'est pas tout à fait pareil. Ils doivent répéter, jouer, ils ont le souci de créer un spectacle. Et en plus, celui d'une organisation, d'une communication, etc. Parfois, ça plombe un peu les choses. Le projet d'entrée en scène depuis le début, c'est de soulager, d'une certaine manière, les troupes de toutes ces choses-là qui sont importantes, mais qui sont un peu annexes. C'est notre rôle, oui, d'être comme des diffuseurs, entre guillemets, pour les troupes de théâtre universitaire. Dans les différents établissements de Toulouse. Pourquoi deux actes pour le festival Entre en scène ? Alors historiquement, ça se faisait que à l'automne. C'était vraiment un festival de rentrée qui se faisait plutôt au mois d'octobre. Depuis quelques années, ça glisse vers novembre, début décembre. C'est aussi parce que nous, on a une activité très très dense en septembre, octobre, et ça fait du bien de pas trop enchaîner les choses. On fait mieux les choses du coup. Oui, au départ, c'était vraiment un festival de rentrée. C'était l'idée, partagée par plusieurs partenaires universitaires, de créer un événement de rentrée autour du théâtre, parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'il y avait beaucoup de troupes un petit peu partout, que le théâtre universitaire était peut-être un dénominateur commun à plusieurs établissements. Bon, évidemment, un engouement particulier à l'Université Jean Jaurès, qui est la fac de lettres, de sciences humaines, avec des formations d'art du spectacle, des formations autour de l'écriture, donc bon, quand même un rapport aux arts qui est très poussé, mais qui a aussi des choses dans d'autres établissements. Bon bah aujourd'hui on va parler de d'une école de commerce, c'est la première fois que TBS participe au festival. Il y a Sciences Po qui participe régulièrement aussi, donc il y a des choses un petit peu partout. Il y a des lieux aussi, Cité U de Chapoux, Salle Le Cap à Paul Sabatier. Donc il y a des équipements, des endroits où c'est possible de faire des choses, de rencontrer du public. Et puis les étudiants sont peut-être aussi en attente, alors côté spectateur là je veux dire, de voir des choses, de voir ce que les autres étudiants produisent. Et ça peut être une initiation intéressante à la vie universitaire, à la vie étudiante, surtout pour les gens qui débarquent entre guillemets, quoi. Et est-ce que votre travail de programmation est un petit peu différent entre le début de l'année universitaire, enfin novembre-décembre, et le printemps ? C'est assez différent parce que l'année est déjà avancée. Alors donc pour finir de répondre à la question, au début c'était un événement de rentrée et après on s'est rendu compte que quand même on avait un petit peu de mal à faire un événement d'envergure en début d'année, simplement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de troupes qui avaient des choses prêtes. Alors soit qu'il y avait des choses prêtes début de l'année, soit qui étaient en capacité de reprendre le spectacle de l'année d'avant. Parce que simplement, l'été passe par là, tout part un petit peu de travers. Après l'été, bon, bah, les groupes se séparent, des gens ont un concours, changent de situation. Bah, c'est difficile de mobiliser les groupes après les vacances d'été, sauf pour les troupes les plus structurées, les plus pérennes. Il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc, l'idée, c'était de faire un événement plus réduit à la rentrée, parce que c'était quand même intéressant de faire quelque chose en début d'année. Pour ce que je vous disais tout à l'heure, de sensibilisation, et de faire un événement plus important en mars-avril pour davantage coller au rythme de création des associations. C'est quand même plutôt au printemps qu'on finalise. Donc, souvent, ce sont des nouvelles compagnies qui se créent pendant l'année et qui jouent grosso modo, au printemps. Pour faire un peu schématique, on a plutôt des reprises en novembre-décembre. Donc, des choses assez abouties. Et des troupes qui sont en capacité de beaucoup communiquer parce qu'elles ont déjà le travail un peu derrière eux, d'une certaine manière, derrière elles. Et en avril, on va plutôt avoir des créations, effectivement, voire des work in progress, des étapes de travail qui se finaliseront un peu plus tard. Alors la particularité, enfin une des particularités d'Entre en scène est de faire travailler ensemble des associations étudiantes déjà anciennes, entre guillemets, et des toutes jeunes compagnies. Ouais. Comment se passe cette collaboration? Est-ce que ce sont par exemple des metteurs en scène expérimentés qui travaillent avec de jeunes comédiens, ou l'inverse, des idées lancées par les anciens auprès des plus jeunes? Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles, il y a différents cas de figure, il y a des associations qui existent depuis 10, 20, 30 ans, qui sont très très encadrées, soit par un intervenant ou une intervenante professionnelle, soit par des enseignants. Il y a des troupes de langue étrangère, par exemple, théâtre en langue étrangère. Il n'y en a pas là, pour le... Sur ce coup-là, non. Non. Donc voilà, ça c'est des choses très pérennes, parce que très liées à des enseignements, à des équipes de recherche. Et il y a des aventures beaucoup plus éphémères. Parfois on voit passer des collectifs, des troupes, qui d'ailleurs ne sont pas forcément structurés en association, c'est des groupes comme ça, qui se sont formés autour d'un projet. Et puis, on verra plus tard, quoi. Ça dure le temps d'un projet. S'il y a une émulation, il peut y avoir un deuxième projet. Parfois, ça disparaît. Bon, nous, on n'a pas de point de vue par rapport à ça. L'essentiel, c'est de prendre le projet là où il en est, de sentir où en sont les étudiants, de voir qu'est-ce qui vaut le coup d'être accompagné. Et là, on trouve, nous, notre rôle d'organisateur. Vous les accompagnez, vous, l'Université fédérale? Au-delà de la création, pas vraiment. Il peut y avoir des formes d'accompagnement. Bon, par exemple, Pauline, on s'est rencontrés. Pauline Lachaud. On s'est rencontrés il y a 2-3 ans au moment de la semaine de l'étudiant, parce que ça, c'est une autre manifestation organisée par l'Université fédérale. Octobre. La rentrée. C'est l'événement dont je parlais tout à l'heure qui nous prend beaucoup de temps et qui fait que. Entre en scène dès le mois de novembre, c'est compliqué. Il y a également un appel à projet pour la semaine de l'étudiant qui nous permet de repérer pas mal de projets artistiques. Donc des étudiants nous rencontrent à ce moment-là, au printemps, pour octobre suivant. Et une forme d'accompagnement qu'on a pu trouver, c'est de proposer une première programmation pendant la semaine de l'étudiant. Parfois, c'est un projet tout neuf qui balbutie un peu. On dit OK au mois de juin, sans trop savoir ce que ça va donner au mois de septembre-octobre. Et ça peut être intéressant. C'est ce qu'on avait fait avec le collectif dont j'ai oublié le nom. Les Voix Émargées. Les Voix Émargées, voilà. C'était pas le même collectif? Non, c'est plus le même. Il y avait une première présentation du travail à l'espace Job au mois d'octobre. Et on avait proposé une deuxième représentation un mois et demi plus tard, pendant Entre en scène à la Fabrique. Voilà, ça c'est des possibilités qu'on peut donner. Je pense que pour les troupes c'est quand même pas mal, surtout lorsque le projet voit le jour, de jouer une première fois, d'avoir une première rencontre avec un public, de pouvoir jouer très peu de temps après. On avait fait ça aussi avec la Koklikov, la même année, une autre troupe à qui on avait également proposé de rejouer à Foi, un centre universitaire. Quand on a des projets comme ça assez solides, qu'on sent beaucoup d'engagement chez les étudiants et que les formes ensuite s'y prêtent techniquement, on peut leur proposer aussi d'aller faire une sorte de tournée en région. Nous, ça nous intéresse aussi de valoriser ça. Le festival Entre en scène se veut très divers en termes de propositions théâtrales, improvisation, cirque, scénette, comique, texte d'auteur ou déambulation théâtrale, comme la proposition de Christine Serrano, Un mur, à découvrir au musée des Augustins. Alors Christine Serrano est comédienne, elle a demandé aux étudiants d'apporter des textes qui les touchent, ça peut être des poèmes, des articles de journaux, du théâtre. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur du musée des Augustins? À l'intérieur, ouais. Pas dans toutes les salles parce qu'ils ont des travaux en cours. Donc ça sera, je pense, essentiellement autour du cloître. Ça fait quelques années qu'on a ce partenariat avec le musée des Augustins, qui travaille beaucoup avec les étudiants toute l'année, qui est assez friand de formes théâtrales, qui fait beaucoup de travail avec des conteurs un petit peu pendant toute l'année, pour valoriser les expositions, pour faire découvrir le lieu, pour peut-être aussi désacraliser le lieu, voilà, qui est des paroles vivantes en lien avec des auteurs. De voir aussi comment les œuvres suscitent l'imaginaire et répliquent. Donc, c'est une association qui existe depuis une vingtaine d'années à l'Université Jean Jaurès, s'empare de cette proposition tous les ans. Ça les intéresse de creuser ce sillon-là. Moi, j'y suis sensible, donc on réitère à chaque fois. Les Augustins sont très contents aussi de ce qu'ils font. Et à chaque fois, ça prend une forme différente, c'est une déambulation. Donc c'est la contrainte, travailler avec le lieu, travailler avec des salles, des espaces très très différents qui imposent à chaque fois des contraintes sonores très particulières. Donc c'est une déambulation au milieu du public ? Alors le public suit les comédiens. Les comédiens prennent à leur charge de gérer un groupe qui peut être assez élastique. Là, il y aura une cinquantaine de personnes, donc c'est quand même pas mal. Ça fait un bon, un gros troupeau. Et les embarquent dans les salles, dans le cloître. Voilà, j'en sais pas plus. Ça, bon, la thématique, elle est connue. Là, c'est le mur. L'année dernière, c'était autour de la femme. Il y a eu tout un cycle autour de la féminité et de la représentation de la femme. Alors la femme, elle est présente aussi avec une soirée spéciale en partenariat avec l'association L'Agité. Ça, c'est dans le cadre du printemps étudiant qui a lieu du 28 mars au 7 avril. L'idée est de montrer la diversité des approches des étudiants en confrontant un théâtre de création avec l'association Réplique dont vous avez parlé et le théâtre d'improvisation avec la Ludie. Ça s'appelle « Être femme à travers le monde ». Qu'est-ce qui va se passer ce soir-là, le 5 avril ? C'est un peu la surprise. Ah. Ça fait partie des choses assez innovantes sur cette édition. Ça fait longtemps qu'on connaît l'association L'Agité, avec qui on a pu faire des choses par ailleurs, qui organise donc le printemps étudiant. C'est une manifestation qui a lieu en même temps tous les ans. Eux, ils sont aussi sur la valorisation de projets étudiants. Ça s'appelle les talents étudiants. Ils font ça aussi à l'échelle interuniversitaire, dans les trois campus. Mais sur toutes les disciplines. Il y a de la musique, il y a du cirque, il y a différentes choses, en extérieur, en intérieur. Et cette année, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose ensemble. Ils avaient la possibilité d'une soirée à la Fabrique. Ils avaient envie de confronter deux univers théâtraux, deux approches complètement différentes. Moi, j'avoue que j'y aurais pas vraiment pensé. Une troupe de théâtre et puis une troupe d'impro, c'est quand même des choses très très différentes. Mais voilà, bon, on va voir ce que ça donne. Point d'interrogation. Donc, Réplique travaille sur un fonds qui pratique depuis plusieurs années autour de textes en rapport avec les femmes. La Ludie va répondre à ça par l'impro. Voilà, on va voir ce que ça donne. C'est... Dans la brochure de ce nouvel acte d'entrée en scène... Il est écrit « L'université et les écoles sont un terrain favorable à la création parce qu'elles ouvrent des espaces, stimulent des désirs de dire. Ce sont là des missions importantes et des aspects trop peu valorisés de la formation universitaire. » Est-ce que c'est si peu valorisé que ça ? Si peu, non, quand même, parce que... Vous êtes là, déjà ? On est là. On le fait quand même depuis pas mal de temps. peut-être qu'on pourrait dire que c'est jamais suffisamment valorisé. Peut-être que ça passe pas uniquement par des restitutions scéniques lors d'un festival. Peut-être que les modes d'accompagnement dont vous parliez tout à l'heure peuvent se diversifier. Ici, à la radio, c'est une manière de valoriser qui passe pas par la représentation, mais qui passe aussi par de la transmission, et c'est important. Léa Haddad, Pauline Lachaud, vous pensez que le travail théâtral n'est pas assez valorisé au sein de l'université ? Enfin, dans la formation ? Alors, en école de commerce, c'est assez particulier parce que, on va revenir à la base. Donc, tout d'abord, moi, je venais d'une classe préparatoire littéraire et j'avais fait les cours Florent à Paris. Et donc, bien sûr, quand je suis arrivée en école de commerce, donc c'était pour, en fait, il y a une option management culturel proposée en école de commerce. Quand je suis arrivée en école de commerce, tout de suite, j'ai vu qu'il n'y avait pas de cours de théâtre. Il n'y avait rien, en fait, pour le théâtre. On a une association artistique qui s'appelle le Bureau des Arts, dont j'ai eu la chance de devenir présidente. C'est ce qui m'a, en fait, permis de faire plein d'activités artistiques. Mais, en fait, c'est si vous, seul, vous prenez... vous prenez votre courage à deux mains et vous dites « je vais organiser quelque chose ». Parce que, oui, l'école permet... ce qui est vrai, c'est qu'en école de commerce, l'école nous donne un budget. Bon, qu'on paye à côté parce que... La plupart des étudiants prennent des prêts quand même à 30 000 euros. Donc c'est quand même une chance qu'on paye. Mais c'est vrai qu'on a un budget après pour ces projets. Mais pour le Bureau des Arts, on avait du budget. Mais en l'occurrence, pour le théâtre, on avait en fait zéro budget. Le théâtre, c'était la première fois en fait que naissait une troupe. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un appel... qui veut faire du théâtre, à qui ça manque. En fait, il y a eu en tout 14 étudiants qui se sont motivés et qui ont dit, nous, on a envie d'une pause, en fait, dans ces cours, Parce que même si il y a des, même si l'école de commerce apporte tout un côté concret qui me manquait, par exemple, bah, comme on parlait de tout ce qui est organisation, de la communication, qui est aussi importante dans le culturel en fait, et pour qu'un projet soit vu et soit bien réalisé, dans les cours d'école de commerce, on pose quand même souvent la question comment faire le plus de profit. Et donc c'était important pour nous tous qui nous sommes réunis de faire une pause en fait dans ces cours-là, de vider nos tripes sur scène et de proposer à nous-mêmes, parce que ça nous faisait vraiment du bien, et aux étudiants de TBS, voilà, une pause dans ces cours qui sont très différents. Donc vous avez largement anticipé la deuxième partie de l'interview. Je n'ai pas eu le temps de vous présenter. Léa Haddad, vous êtes venue pour ce projet L'amour de Racine à nos jours. Donc c'est à découvrir à la salle Le Cap le mardi 27 mars à 20h30. Vous êtes étudiante à Toulouse Business School et vous êtes aussi, vous l'avez dit, présidente du bureau des arts de l'école. Et vous avez une expérience de 5 ans au cours Florent à Paris. On y reviendra après un morceau de musique. On écoute Iowa par Scratch Bandy Crew. Écoutez le morceau Iowa par Scratch Bandy Crew. Je ne sais pas s'il faut le dire à l'anglaise ou à la française. Ils sont en concert le 30 avril à la salle Le Cap à l'université Paul Sabatier pendant le printemps étudiant. On en a parlé, c'est un événement organisé par l'association L'Agité. Dans Rien à voir quoique, on est toujours en plateau avec Léa Haddad, Pauline Lachaud et Yann Froin pour une émission spéciale Entre en scène Acte 2, festival de théâtre universitaire à découvrir du 23 mars au 6 avril dans 5 lieux différents de Toulouse. Des secrets de Titus et le dépositaire. Oh putain, c'est en vert. On parle de toutes les cultures dans Rien à voir quoique. Ils sont affreux ces costumes. Sur Campus FM, 94 FM. Alors Léa Haddad, vous en avez parlé tout à l'heure avant la pause musicale, vous faites partie, enfin vous étudiez à la Toulouse Business School et c'est la première fois, donc TBS, hein, c'est comme ça qu'on dit. Oui, c'est comme ça. C'est la première fois que TBS participe au festival Entre en scène. Ouais, c'est la toute première fois. Alors, je remercie beaucoup Yann, en fait, parce que au départ, au départ, justement, j'avais trouvé son contact grâce à l'administration de TBS. Et en le contactant, je lui avais fait part du projet, ne connaissant pas encore le festival Entre en scène. Et je lui avais dit, en panique, on n'a pas de budget, on n'a pas de salle, je ne sais pas comment faire. Et en fait, il m'avait conseillé par rapport à des salles, comment, enfin, pour des démarches, pour trouver des salles à moindre coût. Et c'est plus tard, en fait, qu'il m'a appelé, que j'ai reçu cet appel qui nous a fait grandement plaisir et qui nous disait qu'on était pris pour ce festival et qu'on aurait donc la possibilité et la chance d'avoir une salle et un régisseur pour nous, entièrement pour notre projet, alors qu'on venait de monter ça à TBS, qu'on était tous très, très motivés, passionnés, mais avec peu de moyens, en fait, finalement. Et aussi, on avait aussi demandé quand même à l'école de nous aider. Et en fait, le théâtre, il y avait déjà de l'argent mis en place pour le Bureau des Arts, mais le théâtre ne pouvait pas entrer en compte. C'est quoi le Bureau des Arts ? Donc le Bureau des Arts, donc, c'est l'association artistique de TBS. Donc on a 6 pôles, cinéma, mode, danse, théâtre, musique. Et on organise toute l'année des événements. Par exemple, on organise un festival de musique en plein air qui sera fait au Parc Raymond VI. Côté des abattoirs. On organise une comédie musicale qui sera au Théâtre des Mazades le 22 mars. On l'écrit, on la joue, on la chante, etc. Donc on a en fait énormément de projets artistiques. On a aussi un trophée des arts qu'on organise à Barcelone avec toutes les écoles de commerce en fait, qui viennent. Donc c'est TBS qui l'organise, mais toutes les écoles de commerce sont invitées à participer pour gagner le grand trophée des arts, en fait, donc dans toutes les disciplines artistiques. Et donc voilà, de multiples projets. Et donc en fait, le gros enjeu en école de commerce, dans cette association, par exemple une association artistique, c'est d'amener le public à venir voir des œuvres théâtrales et des œuvres artistiques de façon générale. Voilà, c'est le gros dilemme du Bureau des Arts. Donc ça passe aussi par une grosse communication. C'est-à-dire que, par exemple, pour la comédie musicale, on a eu 500 places prises directement en quelques secondes. Ce sont que des gens de TBS. De TBS. Alors que les gens ne sont pas forcément intéressés par ça, mais je pense que ça a joué beaucoup. Enfin, ça joue beaucoup la communication, puisqu'on a fait une vidéo, en fait, un teaser, une espèce de bande-annonce, en fait, qui a été très diffusée, en fait. Alors, de votre envie de donner des cours, c'est vous qui avez donné ouais. des cours. Est né ce projet, l'amour de Racine à nos jours. Ce sont 7 scènes et 14 comédiens, vous l'avez dit. Je cite, une pléiade de textes d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi des extraits de films ont été réunis dans un grand collage montage sur le thème de l'amour. Des films comme Beau-père de Bertrand Blier avec Patrick Devers et Ariel Bess, un film sorti en 1981. On écoute un extrait de la bande-annonce avec le grain du son de l'époque. Entre un homme et une femme, Marion, je ne connais que deux solutions. Faire l'amour ou ne pas faire l'amour. Tu vois que tu me considères comme une femme. Il faut absolument que mon premier homme, ça soit toi. Si c'était pas une bêtise, t'es un salaud. Je suis seule dans la vie. J'ai que toi. Tu me repousses, je vais en crever. Mais non, les gens que j'aime bien, je pense pas sans arrêt. Toi, c'est tout le temps. Je vais te faire oublier tous tes cafards, toutes tes misères. Pas de parole, mais on est chez les dingues. C'est pas parce que tu deviens soi-disant brutalement tout d'un coup une femme que je dois obligatoirement faire l'amour avec toi. Il y en a plein des femmes avec lesquelles j'ai pas fait l'amour alors que j'aurais pu. Plein ! Je ne suis pas pressée. Il n'y a pas le feu. On a tout notre temps. Alors qu'est-ce que tu fabriques dans mon lit, à poil ? C'est d'autant plus terrible que t'as 14 ans et moi bientôt 30. Et alors ? Beau-père de Bertrand Blier raconte l'histoire de Rémy. Il le dit, il a 30 ans, il est compositeur, il perd sa compagne dans un stupide accident de voiture et il trouve le réconfort dans les bras de sa belle-fille qui a donc 14 ans. À l'époque, le film est interdit au moins de 12 ans. Léa Haddad, pourquoi le choix de ce film ? Moi, je le connais, mais parce que je suis hyper vieille. Alors moi, c'est un film que j'ai vu. En fait, je suis passionnée de cinéma et mon grand rêve, c'est de travailler dans la production du film. C'est pour ça en fait, que je suis allée en école de commerce. Mais sinon, donc, j'ai vu ce film alors de par moi-même en allant à la médiathèque, une fois à la médiathèque à côté de chez moi à Paris. Et j'avais trouvé ce DVD, enfin un DVD qui s'appelait Beau-père. Après, moi, j'aime beaucoup Blié. J'aime beaucoup l'univers, même parfois très absurde. Même parfois, je sais que Les Valseuses m'avaient beaucoup inspirée et que particulièrement l'acteur Patrick Devers me touche profondément. Et que je trouve même que dans ce film et dans tous ces films, ça fait très subjectif, mais on ressent sa personnalité et on sait ce qui est arrivé ensuite à cet homme qui s'est suicidé. Et dans ce film, il joue quelqu'un qui justement n'a pas confiance en lui. Moi, ce qui m'a intéressé ce que j'ai gardé plutôt pour la pièce, c'est son monologue de début, avec le très très beau moment qui pour moi est presque une de mes musiques préférées, en fait, ce monologue où Patrick Devers joue du piano et dit « J'avais jusqu'à 30 ans pour réussir dans ma vie, j'en avais 22 ans et demi. » Voilà. Et voilà, ce raté, en fait, pour moi, ça correspond aussi à Patrick Devers et c'est un personnage qui m'a énormément touchée. Et comme ça peut paraître assez bateau, l'amour de Racine à nos jours, mais tout dépend des textes, je pense, qu'on choisit. Et, il y a combien de textes, alors ? Alors, 7 en tout. Et ce texte-là me parle beaucoup sur l'amour et justement... c'est cet homme seul qui se sent raté. Et justement, même en école de commerce, je trouve que ça résonnait bien parce que nous, on est toujours comparés, on doit toujours être le meilleur en école de commerce. Et là, on avait cet homme, mais qui est humble, qui est là et puis qui sait même pas ce qu'il vaut. Et en fait, il sait pas qu'il est grandiose. En tout cas, dans ce film, moi, je trouve que c'est un héros. Et voilà. Donc c'est votre projet, c'est un montage de texte et d'extraits de cinéma. Donc vous faites jouer les comédiens qui disent le texte du film. Comment ça marche ? Alors en fait, c'est 7 scènes. Après, je voulais dire on a juste pris le monologue d'un film. Après, c'est le seul film. C'est le seul film, voilà. Pardon. Non, c'est moi. Et sinon après, on a du classique dans le sens où on a Racine, Antigone, mais on a aussi, par exemple, alors Esther Mujawayo, ça c'est un texte qui me touche beaucoup, donc Esther Mujawayo est une survivante du génocide rwandais qui a écrit une autobiographie qui s'appelle Survivante. Aujourd'hui, elle est thérapeute, elle a des patients qui ont vécu en fait ce génocide et elle les aide à traverser ensuite, à survivre après. Et y a un texte que je pourrais vous lire après, si jamais ça vous intéresse. Maintenant, tout de suite. Bah, je vais vous lire, comme ça tout sera dit. Alors. Vous êtes comédienne aussi, Léa ? Oui, j'ai été comédienne. Après là, je donne des cours, c'est pas du tout mais pareil. Mais dans ce spectacle-là, je veux dire. Oui, et je joue justement ce monologue. Mais là, je vais pas le jouer pareil. On vous écoute. Alors. Tu es parti trop tôt, innocent. Partie est cet euphémisme que nous utilisons pour ne pas dire mort. Mais tu es bel et bien mort. Ce samedi 30 avril 1994. Ils sont venus là où nous étions cachés. On séparait les femmes et les enfants d'un côté, les hommes de l'autre. Ils t'ont emmené avec les seconds. Le plus jeune, Mao, avait 12 ans. Ils ne lui ont pas permis de se joindre à notre groupe de femmes et d'enfants. 12 ans pour un Tutsi, c'était déjà beaucoup. C'était l'âge d'un ennemi, dangereux. Il devait donc mourir, lui, toi et tous les autres. On s'est follement aimés et on a cru avoir vaincu la malédiction qui pesait sur nos têtes de Tutsi au Rwanda. Mais on était tout simplement naïfs. À peine plus de 20 ans après, en 1994, notre destin nous a rattrapés. On était Tutsi et condamnés à disparaître, à être exterminés. Merci. Merci Léa. Donc ça, c'est un texte ? Alors en fait, c'est une autobiographie qu'elle a écrite et j'ai pris des bouts de cette autobiographie pour en faire un monologue. Donc les morceaux qui me plaisaient, enfin qui m'ont le plus touchée, et j'en ai fait un monologue, voilà, pour le crier sur scène. Donc vous faites jouer 14 comédiens, c'est que des étudiants de la TBS, Toulouse Business School. Comment vous avez travaillé avec eux ? Alors, est-ce qu'ils sont venus d'abord par eux-mêmes ? Alors on a fait de la communication. On a fait un poste, on disait on ouvre tous les jeudis soirs un cours de théâtre, vienne qui veut. Et petit à petit, au début, on n'avait que 5 personnes. Et en fait, c'est par le bouche à oreille, surtout, que ça s'est fait. On s'est retrouvés à 14 étudiants. Et on avait à la fois des tout débutants qui n'avaient jamais fait de théâtre, des passionnés, et aussi des gens qui avaient fait beaucoup de théâtre. Donc il fallait arriver à mêler le tout. Et c'est pour ça aussi que je me suis basée plus sur des textes et que dans ma démarche, c'était pas forcément de faire quelque chose de créatif, original, même si pour moi les textes le sont vraiment et il faut qu'on les entende et que même j'aime bien retourner au théâtre lui-même à l'essence des mots. Comme il y avait des débutants, on est vraiment parti dans on a un texte, comment on va faire pour le montrer, pour le présenter à TBS et pour que les gens l'écoutent. L'important pour nous, c'était que les gens écoutent ces textes. Et on a beaucoup, beaucoup travaillé parce qu'il y en a qui avaient peu confiance en eux, qui ne savaient pas s'exprimer aussi sur scène. Première scène que j'ai jouée, en plus, c'était difficile parce que j'ai donné un débutant Racine. Il a dû faire Titus. Il s'appelle César. Il a dû faire Titus alors qu'il n'avait jamais fait de théâtre. Et première scène, première fois qu'on la joue, il se met de dos au public. Voilà, c'est la base, quoi. C'est le premier, ce que fait un débutant tout de suite. Donc, on a dû revoir aussi des bases, même de souffle, même de placement, donc faire beaucoup aussi d'exercices. Et en fait, ce qui a fait que nos répétitions se sont même enchaînées. On a fait beaucoup de répétitions. Et je pense qu'ils sont contents d'eux. Et même, par exemple, César, justement, qui a joué Titus, m'a dit « Merci, Léa, de m'avoir sorti de ma zone de confort. » Parce que il a dû... Juste réciter des vers, enfin jouer des vers, c'est très très difficile. Il a dû beaucoup travailler. Et ça veut dire qu'il n'y avait pas de théâtre avant à la Toulouse Business School ? Non, alors l'année dernière, il y avait un cours de théâtre, mais qui en fait, comme personne n'avait vraiment de projet en tête avec des textes, c'était plus de l'improvisation en fait. Les gens venaient, on s'amusait, c'était super, je venais à ces cours-là. On venait, on s'amusait à, voilà, à faire de l'impro selon un thème, on est tous ensemble, mais voilà, il n'y a pas eu de projet derrière qui s'est formé. C'est votre première expérience en tant qu'enseignante de théâtre ? Oui, je serais plus animatrice parce que je ne sais pas si j'ai les capacités, mais c'est vrai que c'était génial parce qu'on apprend énormément en fait en donnant des cours de théâtre parce qu'on voit comment les autres agissent. Il y a eu vraiment un échange à chaque fois entre moi et les acteurs et moi. C'est qu'on s'est beaucoup donné en fait, ce qui était bien aussi, comme pour moi, j'étais pas forcément enseignante, mais plus animatrice, c'est qu'on s'écoutait beaucoup pour arriver à la fin à quelque chose où chacun avait mis un peu du sien. Vous êtes évidemment inspirée des cours Florent que vous avez suivi à Paris longtemps. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette formation ? Alors, ce qui m'a marqué dans cette formation, alors en fait, j'ai eu la chance d'avoir de très bons professeurs. À chaque fois, je sais pas si, parce que je sais que j'ai des amis qui n'ont pas eu cette chance-là aussi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir de très bons professeurs. Ce qui m'a marqué, ça a été en fait l'ouverture d'esprit, parce que au cours Florent, on nous a donné des textes, et c'est aussi un premier apprentissage, et c'est aussi une chance vraiment de pouvoir qu'on nous donne des textes et on nous dise, alors voilà, un tel a écrit ça, qu'est-ce qu'il raconte, comment mettre un sentiment derrière. Et déjà c'est une première brèche, parce qu'après tout de suite je me suis intéressée à plein d'autres textes. Ensuite, il y a eu tout simplement la formation avec les répétitions constantes, etc. Le seul hic au cours Florent, c'est qu'on est beaucoup. On paye quand même assez cher et il y a peu de temps, en fait, pour chaque acteur. Mais si on écoute beaucoup et si on écoute aussi ce que font les autres tout le temps, on apprend énormément parce qu'il y a énormément de gens différents. Et par exemple, on a eu un projet sur la guerre. En gros, tout le projet était sur la guerre. Et c'est en fait là où j'ai choisi, justement, de jouer ce texte de Destamo Jawayo. Il nous disait, allez chercher vous-même un texte sur la guerre, celui que vous voulez. Et c'est là, en fait, où je me suis intéressée à la guerre du Rwanda, où j'ai lu ce texte et où j'ai dit, je veux en faire un monologue, par exemple. Yann Froid, un mot sur le travail de Léa Haddad et de la Toulouse Business School, le fait que ce soit la première fois? Un mot gentil, évidemment. Rien du tout, je ne connais pas son travail, Léa. Mais non, mais c'est ça qui est super, c'est que je découvre Léa aussi, en l'entendant parler de son travail. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai que c'était des échanges. Bon, j'avais une petite idée, mais voilà, là, je découvre vraiment la démarche, le sens que ça a à TBS. Bon, ça pourrait être ailleurs, mais en même temps, bon, on voit bien que la pose dans les profits, je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent dire ça. Enfin, je crois qu'il y a besoin de se fabriquer des bulles aussi, des respirations, des rythmes pour les étudiants. Ça, c'est vraiment important. Moi, ce que ça me fait penser aussi, tout ça, c'est je repense à une étudiante qui avait travaillé sur le Rwanda aussi il y a quelques années. Et là, je me dis que Il y a aussi des choses, parce que c'est pas du tout une étudiante rwandaise, et je pense pas qu'elle avait une relation particulière avec... Mais elle avait été bouleversée par un film qu'elle avait vu, je me rappelle plus lequel, et je pense qu'elle avait lu les textes aussi de Jean Hatzfeld sur le Rwanda. Mmh. Ça l'avait bouleversée, et ça avait fait sens pour elle, et elle s'était dit, c'est à cet endroit-là, on parlait de la zone de confort, pour elle, elle avait un rapport très performatif au théâtre, elle jouait en extérieur, c'était... voilà, ça a impulsé un projet et ça donnait sens à quelque chose de très brûlant, quoi. À une sorte d'urgence de faire venir les gens pour écouter. Et bon, c'est des choses auxquelles on est sensible, quoi. Ça sert à ça, le théâtre. L'amour de Racine à nos jours par l'atelier théâtre de Toulouse Business School, TBS. Et donc, à découvrir à la salle Le Cap, c'est le 27 mars à 20h30. Merci Yann Froin, Léa Haddad et Pauline Lachaud. On se retrouve dans un instant, le temps d'écouter Come to My Door par José James, une chanson d'amour, pour rester dans le thème. Since you set out on your own, you told me you had to find something to believe in. Never thought you'd ever leave, but as you walked out the door, I prayed that you would soon find all that you needed. While you're out there on your own, if the rain starts falling, you get too cold. If you need a place to go, oh, I just want you to know it's all right, it's all right, it's all right. Oh, you can come to my door. I don't mind. See your face, the memories numb this pain just for a moment. And on that fateful day, you know I will be waiting. Oh, you'll smile at me and say you love me all along, and you'll come home. C'est le morceau Come to My Door par José James sur l'album No Beginning, No Ends, sorti en 2013. Et l'on poursuit cette émission spéciale de Rien à voir quoique autour du festival Entre en scène Acte 2 avec nos trois invités, Léa Haddad, Pauline Lachaud et Yann Froin. Oui, et puis au-delà des ennuis, on ne peut pas vivre impunément sans être marqué par le passage du temps. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Le 6 avril à 12h45, c'est super précis, je ne sais pas si ce sera dans la réalité, à la Maison des Initiatives de l'Université Jean Jaurès, vous pourrez découvrir le travail du collectif théâtral toulousain Les Sales Gosses Avisées avec Blue Scat, d'après Kofi Kouaoulé. Pauline Lachaud, votre collectif Les Sales Gosses Avisées, donc viser, le verbe « aviser ». Ah, plus loin, viser. Voilà. Oui. A été créé il y a un an. Qui compose ce collectif ? Alors, on est deux. En fait, donc mon partenaire de théâtre, Julien Bénet, qui lit aussi pour Le Bouton Rouge, l'émission de radio, voilà. Sur Campus FM. Tout à fait. Et moi-même, voilà. Vous êtes que deux. On n'est que deux. D'accord. Et vous êtes étudiante ? Moi, je ne le suis plus cette année. Julien est encore étudiant à l'université donc Toulouse-Jean Jaurès en philosophie. Et on s'est rencontrés, en fait, il y a 2 ans, dans le master de création littéraire à Toulouse. Et donc on a très vite partagé notre intérêt pour le théâtre, notre passion pour l'écriture, et très vite est née l'idée de monter un collectif. C'était ma question, d'où vient votre envie, cette envie de théâtre ? Bah en fait, Julien comme moi, on a pratiqué le théâtre pendant de nombreuses années, et dans le master de création littéraire, on était amené via des entretiens à faire des lectures, à faire des entretiens d'auteurs. Et moi-même, j'avais créé un collectif en fait de théâtre qui regroupait des étudiants du master. Et donc l'envie est tout simplement née en fait d'expérimenter ça après l'université, tous les deux. Pour entrer en scène, vous avez donc choisi l'adaptation de Blue Scat, une pièce de Kofi Kouaoulé. Il est dramaturge, comédien, metteur en scène et romancier, originaire de Côte d'Ivoire, dont l'écriture est très influencée par le jazz. Oui. Blue Scat, en référence au scat, qui est la forme de jazz vocale, où des onomatopées sont utilisées plutôt que des paroles. La pièce Blue Scat est un huis clos. L'histoire commence dans un ascenseur qui s'élève au son du célèbre What a Wonderful World de Louis Armstrong. I see trees of green. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white. Ce morceau, il faut l'écouter tous les jours. Right. À l'intérieur de cet ascenseur, alors deux inconnus, une femme blanche, un homme noir, habitant pourtant le même immeuble, se retrouvent prisonniers, je cite, chacun dans sa bulle. Tous deux semblent heureux, sereins tout au moins, mais soudain la musique tout saute, se délite, devient pâteuse, larmoyante, comme si tous ses ressorts avaient lâché, puis meurt prématurément. L'ascenseur s'immobilise. Pourquoi le choix de ce texte de Kofi Kouaoulé, pardon. Alors tout simplement parce que on est deux. On est juste deux dans ce collectif. On voulait trouver déjà une pièce qui est deux personnages, si possible un homme et une femme. Et après, au-delà de ça, de ce côté pratico-pratique, on va dire, l'écriture en elle-même. C'est-à-dire que la pièce, elle se constitue en fait de parties vraiment, enfin, en monologue, quoi. Un coup la femme, un coup l'homme. Et ils sont vraiment dans leur mécanique intérieure, dans leur projection l'un sur l'autre, à penser au travail, à penser. Ils se parlent pas, en fait. Ils ne se parlent pas. À part de rares interactions. Mais non, sinon, c'est principalement vraiment un monologue, quoi. Un monologue pour soi-même. Et au fur et à mesure, dans cette atmosphère de huis clos, en fait, eh bien, vient naître la peur, le désir. Est-ce que je vais vers l'autre ? Qu'est-ce que l'autre me veut ? Qu'est-ce que je veux vis-à-vis de l'autre ? Et, comment vous avez concrètement visualisé l'ascenseur ? Tout d'abord, pour nous... Est-ce que vous avez gardé l'ascenseur ? On a gardé, oui, une surface pour symboliser l'ascenseur. Et on a divisé l'espace scénique, justement, en deux plans, en fait. un plan pour l'homme et un plan pour la femme, vraiment de façon divisée, puisqu'effectivement les rapprochements concrets, physiques et même de dialogue n'existent pas en fait. Donc pour nous c'était très important de garder cette scission et de la briser par moment, mais je ne vais pas en dire trop non plus. Comment vous avez adapté ce texte? Vous l'avez gardé en entier ou... Ouais. On l'a gardé en entier et pour nous c'est un gros challenge parce que c'est la première pièce pour Julien comme pour moi qu'on se propose de jouer en entier. Donc là elle dure à peu près 1h15, 1h20. Oh. Ouais. Gros boulot. Donc gros boulot. On a commencé à travailler dessus à partir de cet été. On a commencé par des lectures déjà pour creuser les intentions, voir comment les deux personnages pouvaient se répondre au-delà du mur qui semble en fait les séparer. Et très vite, on a commencé à expérimenter le jeu et la mise en scène. C'est-à-dire qu'on l'a vraiment créé tous les deux, en fait. On n'a pas de metteur en scène, ça aussi, c'est une première, voilà, pour lui comme pour moi. Voilà, donc on répète dans son petit studio. et voilà, on s'occupe à la fois du jeu, de la mise en scène et du montage sonore. Est-ce que c'est, j'ai le mot facile, mais c'est pas ça que je veux dire, de travailler sans metteur en scène? C'est-à-dire qu'on peut, on peut tout faire, on n'est pas dirigé? Il y a les deux pendants, en fait. Il y a le revers. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut tout faire. Donc, on est extrêmement libre dans la création. Et en même temps, pour Julien comme pour moi, ça nous permet de toucher à tout, en fait, et de la monter de A à Z, hormis l'écriture, forcément. Et le revers, c'est qu'en tant que comédien, oui, il y a des moments où on a besoin d'être dirigé. On peut s'enfermer au fur et à mesure aussi dans un rôle, dans des intentions qu'on a posées, dans des rythmes de texte. Et donc tout ça, ça demande souvent à être renouvelé dans le travail du plateau. Et donc en fait, on est confronté à d'autant plus de remises en question, mais c'est très enrichissant en même temps, quoi. Quelqu'un l'a vu, la pièce? Pour l'instant, non, personne ne l'a vu. Alors est-ce que vous mélangez le théâtre, la danse, la vidéo, la musique et les lumières comme certaines adaptations par d'autres de Blues Cat? Alors effectivement, on mélange d'autres disciplines. Alors pas la vidéo, mais la musique, oui, on a créé plusieurs montages sonores. Au niveau des lumières aussi, on les a pensées et on a introduit de la danse, des chorégraphies. C'est vous qui dansez? Oui, également, oui. Et à la fois de l'expression gestuelle avec le public. Voilà. Alors, dans sa mise en scène, Kofi Kwaoulé a voulu instaurer une tension dramatique, vous l'avez dit. Mmh. En même temps qu'il joue avec humour et habileté du langage, il multiplie les ellipses, les répétitions, les phrases inachevées. La parole est ressassée, les mots se répètent, tournent sur eux-mêmes. Vous avez, j'imagine, gardé cette habileté du langage? Oui, tout à fait, oui. C'est vrai que c'est très particulier. Si vous le souhaitez, je peux vous en lire un extrait. Avec plaisir. Je ne sais pas d'où il sort. Jamais je ne l'ai rencontré. Ni dans l'ascenseur, ni dans le couloir, ni dans le parking. Nulle part. Je n'emprunte jamais les escaliers non plus. Personne jamais ne les emprunte, ces escaliers. D'ailleurs, pourquoi y a-t-il des escaliers si personne jamais ne les emprunte? Parce qu'on ne peut pas dire que c'est pour faire joli. C'est jamais beau, puisque personne n'y va. Alors, à quoi ça sert des escaliers dans un immeuble pareil? On l'a vu à New York. Parce que même en cas d'incendie ou de quelque chose comme ce qui s'est passé à New York, on l'a vu. On descend toujours plus vite avec l'ascenseur. Et même s'il arrive que l'ascenseur tombe en panne, parce qu'il lui arrive aussi de bouder l'ascenseur, les gens préfèrent sauter par les fenêtres plutôt que d'emprunter les escaliers. On l'a vu à New York. Les gens ont préféré sauter par les fenêtres. Il y a beaucoup d'humour dans ce texte, paraît-il. Alors oui. Aussi. Alors c'est vrai que c'est toujours grinçant, en fait. Il y a de l'humour. Alors il y a de l'humour noir aussi. On est toujours pris, en fait, entre deux tonalités, c'est-à-dire à la fois quelque chose de dramatique qui est quand même vraiment poussé à l'excès au niveau des peurs, de toutes les projections, de cette ambiance aussi de huis clos qui génère des angoisses. Et en même temps, oui, le fait qu'ils soient pris tous les deux dans leur propre mécanique et que voilà, c'est du ressassement et on revient sur ça et on repense à ça, ça déclenche un certain humour, oui. Et il y a question de séduction quand même. Oui, tout à fait. Peut-être pas dévoilé, mais... Oui, il y a un rapport de séduction qui est très, très particulier. Parce qu'il est pris justement dans cette ambiance de huis clos où entre la peur et le désir, la frontière n'est pas très très claire. Alors au départ, ce texte, je cite, dénonce l'impossibilité du dialogue et de la communication dans une société moderne, rigide et sclérosée, où l'individu enfermé dans sa solitude se méfie et a peur de l'autre, de l'étranger, pour ne pas parler d'une certaine forme de racisme. C'est ce que vous vouliez dénoncer aussi ? Alors on n'a pas forcément, comment dire, pris le parti racisme, quoi, en fait. Nous, quand on l'a lu, au-delà de ces considérations-là, ça nous est vraiment apparu comme un propos très très contemporain, en fait, de cette incapacité, en fait, de dialoguer avec l'autre qu'on ne connaît pas, qui est proche de soi. Et bam, on se retrouve coincé dans un ascenseur et on n'arrive pas à dialoguer, en fait. Et donc, il y a vraiment une profonde solitude, autant chez l'homme que la femme, dans cette pièce. Et en même temps, ce qui est très beau dans cette pièce, c'est que parfois, l'espace, on ne sait plus si on est dans l'espace du réel, l'espace du fantasme. Et là, des rapprochements peuvent se jouer, en fait. Et on ne sait jamais si c'est vraiment arrivé, ou si ça pourrait arriver, ou si on aimerait que ça arrive. Et voilà, c'est... Yann, vous disiez que vous avez rencontré Pauline il y a quelques années déjà ? C'est ça que vous avez dit ? Il y a 2 ans, je crois. Oui, je ne sais pas. Ouais, il y a 2 ans, pour la semaine de l'étudiant. Donc, c'était un autre collectif, Les Voix émargées, dont Pauline parlait à l'instant, qui nous avait sollicité pour la semaine de l'étudiant. Et donc, on avait présenté le spectacle. C'est un spectacle autour du monde du travail. Le titre, Pauline, je ne me rappelle plus. Lorsque sonne l'heure des esclaves modernes. Lorsque sonne l'heure des esclaves modernes. Et on l'avait proposé à l'Espace Job, avec qui on a un partenariat et qui était très intéressé, bon, par le fait de programmer un spectacle de théâtre universitaire, mais qui était aussi très intéressé par la thématique. À Job, ils sont beaucoup sur thématiques sociétales, citoyennes, tout au long de l'année. Et donc, on l'avait présenté. Moi, j'avais vu la première que j'avais vue de ce spectacle, c'était pendant la nuit debout sur la place du Capitole. Ouais. C'était comme ça, jeté brut de brut à la nuit tombante devant un bout de tissu. Et il y avait eu du monde. C'était sportif parce qu'il fallait donner de la voix. Et ça m'avait séduit, quoi. Et là, on s'était dit, ouais, pour revenir sur la question de l'accompagnement, bon, c'est aussi nous ce qui déclenche des envies, hein. On n'a pas toujours la possibilité de voir les projets au moment où ils émergent. Là, ça avait été possible. Ils n'existent pas, d'ailleurs. Voilà, c'est ça qui est difficile. Souvent, c'est des notes d'intention, c'est des bouts de... C'est des intuitions, c'est très vague. Là, on avait eu la possibilité de voir quelque chose. On s'était dit, bon, ça, il faut l'accompagner comme on peut, quoi. Merci Pauline Lachaud. Alors, Bluesket, je cite encore, c'est un déraillement, une suspension, une dislocation du dialogue où l'impossible rencontre de l'autre, d'après Kofi Kwaoulé, et donc à découvrir le 6 avril à la Maison des Initiatives de l'Université Jean Jaurès. Initiative étudiante. Étudiante. La MIE. Ouais. Ah oui, j'oublie étudiante. MIE. Voilà. Merci, Yann. À 12h45, donc. 12h45. Précisément. C'est donc la fin de l'émission. Merci beaucoup Léa Haddad, Pauline Lachaud et Yann Frouin d'être venus faire un tour dans les studios de Campus FM. Vous êtes fatigués, vous avez déjà enlevé casques et micros. Alors je rappelle que le festival Entre en scène acte 2 commence le 26 mars pour se finir le 6 avril. Ce sont au total 8 troupes de théâtre réunies dans cette édition qui viennent des quatre coins de l'université fédérale. Je tiens également à rappeler la soirée spéciale du 5 avril à partir de 19h à La Fabrique, à l'Université Jean Jaurès, avec Être une femme à travers le monde, un partenariat avec l'association L'AJT dans le cadre du printemps étudiant, avec qui nous aussi à Campus FM nous sommes partenaires. On aura un plateau en direct et en public le mercredi 28 mars. Le festival Entre en scène, c'est presque tout gratuit. Il y a seulement le Concile de l'amour le 4 avril à la salle Le Cap qui est à 3€. En revanche, Yann Frouin, vous me disiez que vous aviez changé le système de réservation. Il n'y a plus besoin de réserver, sauf au Musée des Augustins, parce que la jauge est limitée. Pour un mur au Musée des Augustins, 26 mars, donc, jauge réduite à 50, il faut vraiment réserver. Donc ça, c'est sur le site. Oui. www.univ-toulouse.fr/entre-en-scène.